J'ai soif, j'aurais le goût d'une bière. Pas de petite bière pour me satisfaire. Pas de petite prête au bout, tu feras une autre prête. Encore! Je suis là. Je suis de ceux qui aiment la vie. J'aime bien ça être étourdi. C'est ma façon de me divertir. Je fais rien de mal, y'en a des pires. Mais quand je finis de travailler, je commence à chanter. J'ai soif. J'ai soif, man. J'ai soif. J'ai soif. J'ai soif, j'aurais goût d'une bière. Une petite bière pour me satisfaire. Une petite prête au bout du bras. Une autre petite prête. Allez pas croire que je bois tout le temps. Parce que j'ai pas assez d'argent. Jouer seulement que les fins de semaine. Et ça paraît, j'ai pas de bêtaine. Et quand je finis de travailler, je commence à chanter. J'ai soif, j'aurais goût d'une bière. Une petite bière pour me satisfaire. Une petite prête au bout du bras. Une autre petite prête. Encore sur le bras.